21. Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational. I'm the bad guy. Take that. Bonjour à tous, bienvenue dans 21 Shuttle, votre podcast de badminton à l'international et en France. On parle de l'histoire et de l'actualité du bad et aujourd'hui les deux vont se rejoindre. Je suis accompagné de Benoît, salut Benoît. Salut Ewan, bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler de ni plus ni moins que sans doute le plus grand joueur de tous les temps, Lindan, qui a annoncé sa retraite le 4 juillet, donc on va un peu retracer sa carrière avec certains points précis, certains tournois, certaines rivalités, dont une en particulier, je pense. Et en plus, pour terminer, on se demandera quelle est la place de Lindan dans l'histoire du badminton au sens large. Benoît, là, premièrement, quand tu as entendu ou vu l'annonce de la retraite de Lindan, qu'est-ce qui t'est passé par la tête en premier ? Je me suis dit, ça y est, les deux peut-être plus grands joueurs de l'histoire du bad se sont retirés en moins de 6 mois, en un an en tout, les deux. Et il va falloir tourner la page. Qui est capable de prendre la relève ? Lindan s'en va, c'est quand même un monstre et il prenait beaucoup de place. Donc, passer à autre chose et se dire que c'est fini. Je précise que tu fais référence à la retraite de Li Chongwei qui a été annoncée il y a quelques temps maintenant. C'est vrai que les deux annonces sont très rapprochées et on risque de pouvoir déterminer un avant et un après finalement, parce que même si les deux ne jouaient plus vraiment les premiers rôles ces derniers temps sur les tournois, on va dire que voilà, on les voyait moins sur les dernières marches. Ils prenaient encore beaucoup de place dans le monde du bad. Et ils vont encore en prendre d'ailleurs, puisque leur voix, elle continue de porter. Clairement, même s'ils gagnaient plus autant qu'avant, Li Chongwei, on a attendu son retour, on attendait son retour tous les mois. Lindan, quand il était sur un tournoi, on attendait de pouvoir le voir jouer, même si c'était plus du tout ce que c'était. Mais c'est ce genre de joueur qu'on attend chaque semaine, chaque tournoi, et même s'ils avaient baissé en niveau, on a envie de les voir jouer. Donc il y aura forcément un avant et un après, oui, c'est sûr. Lindan, sa retraite a sûrement un lien avec le report des JO en 2021. Est-ce que ça te surprend, cette annonce? Et on savait que ça allait arriver, mais surtout le timing de cette annonce. Finalement, non, ni le timing ni l'annonce, parce que même en 2020 finalement on ne savait pas si Lindan irait au jeu parce que y avait Chen Long a priori qui avait sa place et Shi Yuxi qui était en ballotage. On ne sait pas vraiment qui la Chine aurait amené en fait, mais décaler les JO d'un an, c'est vrai que Lindan était quand même dans le dur et en fin de course depuis quelques mois, si ce n'est quelques années, donc le fait des reports des JO d'un an, c'est presque ça qui a annoncé la fin de la carrière de Lindan, en fait. Donc c'est une annonce logique, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi ça ne m'a pas surpris plus que ça. Ce qui est en plus assez fou, c'est que depuis 2016, on se demande jusqu'où il va continuer. Au final, on a bien compris qu'il allait aller au moins jusqu'à 2020, puisque quand il continuait à jouer, c'était clairement pas pour faire des petits tournois. Je pense qu'il avait cet objectif en tête. Je sais que toi et moi, on a eu plusieurs fois le débat de qui la Chine allait amener au JO de Tokyo 2020. Bon, finalement, ce débat n'aura pas lieu. Et je pense d'ailleurs que ça enlève une grosse épine du pied de la fédération chinoise, parce que maintenant, le choix sera, je pense, facilité. Je sais que moi, mon avis, c'était que Lindan allait y aller. Je parle, bien sûr, avant le report, parce que je ne voyais pas la Chine le laisser de côté vis-à-vis de son statut, et surtout qu'avec la blessure de Shiyuki, je voyais bien Lindan accompagner Chen Long. Bon, maintenant, du coup, ça n'aura pas lieu. Mais effectivement, le timing est peu surprenant, parce que avec cette pause, il va falloir faire une grosse préparation pour retourner au top après la pause, et on voit bien que c'est pas possible. En plus, on le voit, il jouait plus les premiers rôles. Ça aurait été vraiment miraculeux qu'il fasse rien qu'un quart voire une demi au JO. Donc non, je trouve ça pas très surprenant. Ouais, comme tu dis, ça aurait été limite miraculeux. Et puis le fait qu'il l'annonce maintenant, moi j'étais avant la blessure de Chiyushi, je pensais pas que Lindan irait. La blessure a peut-être changé les plans de la Chine, mais le fait qu'il arrête maintenant me fait peut-être penser qu'il y avait une promesse ou une entente pour l'amener à Tokyo en 2020, en tout cas, du coup, vu l'annonce d'arrêt de carrière maintenant. Peut-être oui, et puis effectivement, lui, de son côté, a arrêté sa carrière. Bon, il a dit que physiquement, il avait du mal, et aussi c'est peut-être pour faciliter le travail de la Chine. Je pense qu'il n'a pas envie de devenir un boulet de sa fédération et faire les années de trop, parce que même si on reviendra sur ses dernières années, ça aurait pu être pire s'il avait voulu continuer et forcer. Au moins, il aura évité ces derniers temps les grosses blessures. On reparlera de son statut particulier parce que effectivement on sait que la Chine c'est un fonctionnement très très particulier et que lui pas tout le temps rentré dans le cadre imposé par sa fédération. D'abord, si on parle de la carrière de Lindan, donc qui a joué pendant quasiment 20 ans de 2000 à 2020. Qui a remporté, je le rappelle quand même, deux fois les Jeux Olympiques en 2008 et en 2012. Il gagne cinq fois les mondiaux, ce qui est le record pour n'importe quel joueur de simple. Et plus beaucoup d'autres titres, des All England, beaucoup d'autres titres sur le circuit Super Series. Qu'est-ce que tu retiens, tes souvenirs de Lindan comme ça, quand on parle de son nom, qu'est-ce qui te vient comme ça? Ouais, du coup, moi, je vais pas en parler dans mes souvenirs, mais je voudrais juste dire qu'il a quand même remporté deux Jeux d'Asie, ce qui en Europe est parfois sous-estimé parce qu'on se rend pas compte, mais pour eux, c'est certains sacrifieraient un titre olympique pour des Jeux d'Asie. Bref, c'était la petite parenthèse. Moi, dans mes trois souvenirs que j'ai gardés de Lindan, la rivalité avec Li Chongwei ressort tout le temps. Parce que c'est peut-être une des plus grandes rivalités aussi de l'histoire du badminton. Mon premier souvenir marquant de Lindan, peut-être logique, le titre olympique de 2008 devant ses fans à Pékin. Moment incroyable. Il y a pas, en fait, il y a pas, c'est un Lindan Li Chongwei en finale, mais il n'y a pas vraiment match. Ça fait 21-12, 21-8, il me semble, ou 21-8, 21-12. Il était trop fort, et malgré la pression de Li Chongwei qui avait toujours gagné aucun grand titre en 2008, juste Lindan était juste trop fort, et ce premier sacre va en amener d'autres, notamment celui de 2012. Qui est mon second grand souvenir de Lindan, et je pense que je vais te laisser en parler parce que on l'avait en commun, donc vas-y. Je voulais d'abord rapidement revenir sur celui de 2008 que moi j'avais pas mis de côté, mais effectivement c'est un peu fondateur dans sa carrière parce que je voudrais faire le parallèle avec Kai Yung et Fu Haifeng qui eux pareil étaient ultra favoris et qui eux sont un peu pris les pieds dans le tapis en finale et qui c'était un peu vécu comme une désillusion le fait qu'ils ne s'imposent pas au JO de Pékin. Et à côté de ça, Lindan, effectivement, il a survolé sa finale, il a fait des Jeux Olympiques aboutis. C'est impressionnant de voir le mental qu'il avait, et je pense que c'est un mental qui va garder toute sa carrière, qu'il avait déjà avant ses JO et qu'il gardera ensuite. Mais très très impressionnant ce qu'il a fait en 2008, mais encore plus pour moi en 2012, et c'est pour ça que je les avais mis. Pour moi, c'est le numéro 1. Quand on parle de Lindan, je penserai toujours à cette finale encore contre Li Chongwei à Londres, et surtout sa célébration quand il gagne, quand il enlève son t-shirt, le salut militaire, quand il court de la salle, tout ça, c'est, je pense, la première chose qui me viendra en tête quand on parle de Lindan, parce que les JO de 2012, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'était moins acquis qu'il allait les gagner. On voyait beaucoup Li Chongwei en favori, mais dans ce troisième set, Lindan a fait respecter, pas la hiérarchie, mais je dirais, il a montré qu'il avait vraiment, quelque chose en plus, je dirais, un mental, une force de caractère qui fait que qu'il a pu s'imposer. Pour moi, c'est encore plus impressionnant en 2012 qu'en 2008. Je sais pas ce que t'en penses. En fait, c'est la première phrase que j'ai écrite dans mes notes. C'est tellement différent de ce qui s'est passé en 2008. En 2008, c'est une leçon, il n'y a pas de match. Il n'y a même pas débat. En 2012, c'est totalement autre chose. Il y a 21-19 au troisième, il me semble. Mais c'est Li Chongwei qui prend le premier set. Et là, on se dit... Enfin, moi, c'est une des premières finales olympiques que j'ai regardées. Et je me dis, ça y est, Li Chongwei, il va aller chercher son premier grand titre. Et en fait, non, toujours pas. Parce que Lin Dan, dans les grands événements, il est trop fort, il gère la pression comme personne ne la gère, et Li Chongwei, c'est tout l'inverse. Et dans le troisième set, Li Chongwei est même devant, il mène, il me semble, 18-16 ou 19-17, et il finit par craquer. Et c'est le résumé de leur rivalité. Parce que oui, comme tu dis, Lin Dan, je dirais, pas fait respecter la hiérarchie, mais dans un sens, si, parce que dans les grands événements, c'est lui le boss, et il est meilleur dans ce genre de moment que Li Chongwei, et dans un match serré, il a aussi été capable de le battre. Exactement, ce qui est impressionnant, c'est ce mental qui a rude épreuve. Hein. C'est fou à quel point dans les gros matchs, il a ce petit truc en plus, alors que on en reparlera, mais c'est deux joueurs bien différents, mais je suis pas sûr qu'il ait été vraiment largement meilleur techniquement et physiquement que Li Chongwei, mais c'est ce petit truc dans la tête qui fait que quand il rentre sur le terrain, on a l'impression qu'il peut pas perdre, surtout à cette période, et c'est ça qui est très impressionnant. Et je suis d'accord avec toi, ce qui est bien dans ce match, c'est la symbolique. Pour moi, ça résume toute la carrière des deux joueurs, et du coup leur rivalité. Même si Li Chongwei, c'est loin d'être un loser, hein. Il a gagné énormément de tournois, il a encore le record de semaines passées à la place de numéro 1 mondial, mais c'est un gros symbole, et la suite, on va dire, c'est un peu celle d'un an après. Je sais que toi aussi, ça t'a marqué. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi la finale des Mondiaux 2013 est aussi marquante, encore entre Lin Dan et Li Chongwei? La finale des Mondiaux 2013, en fait, c'est... quasiment un remake de la finale des JO 2012, et c'est encore une fois terrible pour Li Chongwei, et tellement révélateur aussi de leur carrière à tous les deux. C'est-à-dire que Li Chongwei, encore une fois, prend le premier set, et encore une fois, je pense que beaucoup, comme moi, se sont dit Li Chongwei va enfin prendre son premier titre, et toujours pas, parce que Lin Dan va revenir dans le match, et Lin Dan va être beaucoup trop fort, beaucoup trop solide, et pour le coup, ce jour-là, il était meilleur physiquement, parce que dans le troisième set, à 27, il me semble, Li Chongwei est pris de crampes, et Li Chongwei ne peut pas se relever, en fait. Mais au-delà de ça, il y a ce geste entre les deux, en fait, où dès que Li Chongwei se met au sol, Lin Dan traverse le filet, va le voir et lui parle, et... je trouve le geste fort, en fait, au-delà du titre mondial, qui est... D'ailleurs, c'est son dernier titre mondial à Lin Dan, le cinquième. Et c'est révélateur de leur rivalité, de leur amitié, de tout. Cette finale de 2013, elle est peut-être encore plus forte, symboliquement, que la finale des JO 2012. Je suis complètement d'accord avec toi. J'ajouterais en plus que Lin Dan, il est arrivé au Mondiaux 2013, vraiment, je vais pas dire en touriste, mais il avait pas beaucoup joué depuis son titre aux Jeux Olympiques. Il est pas du tout classé, il arrive parce qu'il a une wild card de la part des organisateurs. À côté de ça, Li Chongwei, il est numéro 1 mondial, tête de série numéro 1, et il écarte tout le monde sur son passage. Et Lin Dan, il se hisse en finale. Et effectivement, on a le match qu'on a l'impression d'avoir déjà vu, où Li Chongwei finit par craquer physiquement face à un Lin Dan qui est tout simplement trop fort. Et cette image, j'ai revu le match récemment, et cette image de Lin Dan qui célèbre son titre quand Li Chongwei il est par terre et qu'il peut pas se lever, elle est terrible. Et c'est vrai que c'est le dernier titre mondial de Lin Dan, mais c'est un des plus fous, je trouve, parce que qui l'imaginait revenir comme ça après son titre olympique et reprendre, garder même cette couronne mondiale. Je trouve ça fou, et c'est très très révélateur du joueur qui, on va en parler après, mais qui a ce don de choisir ses matchs finalement. Mais quand il choisit des matchs des mondiaux et des JO, et ben, la plupart du temps, il va au bout, quoi. Ouais, c'est exactement ce que tu dis. On va en parler, hein, mais c'est monsieur grand moment, monsieur grands événements. En 2013, je reviens sur ce que tu disais, c'est l'année où il joue le moins de matchs dans toute sa carrière, hormis 2020, et l'année, je crois qu'il joue un peu moins de matchs en 2002, donc c'était le début de sa carrière, il avait 18 ans, et il avait jamais joué aussi peu de matchs en 2013, depuis 10 ans. Et il arrive avec une wildcard, tu l'as dit, et il va chercher un titre mondial pas inattendu parce qu'on sait que Lindan dans les grands événements, il est là. Mais si fort physiquement, si près, c'est hallucinant en fait ce qu'il a été capable de faire en 2013. Et c'est pour ça que c'est son dernier titre mondial, mais peut-être le plus beau. Oui, je suis pas loin d'être d'accord non plus. Oui, donc toi, tu as déjà dit tes trois moments marquants. Moi, je voulais en ajouter un dernier qui se passe hors du terrain, mais que je voulais mentionner. C'est le contrat chez Yonex. Donc, en 2015, quand il est revenu chez Yonex pour un contrat, bon, j'ai pas les chiffres, mais qui a dû chiffrer avec pas mal de zéros sur pas mal d'années. C'est à ce moment-là où, je m'en souviens, il y avait eu pas mal de rumeurs. Moi, personnellement, j'étais dans l'équipe qui y croyait pas trop. Je voyais pas Lindan quitter l'inning comme ça. Et au final, on s'est rendu compte, avec ce contrat, de son statut très particulier. Pour rappel, la fédération oblige les joueurs chinois à être sous contrat avec l'inning. Et donc, Lindan, il a été au-dessus de ça, et du coup, c'est pour ça qu'il a dû cacher le logo Yonex sur certains tournois. Il a eu des brouilles avec sa fédération, mais il a quand même fait. Et c'est ça qui montre aussi son statut en Chine, où on ne s'en rend peut-être pas très bien compte chez nous, mais à quel point il est au-dessus du reste, quoi. Il l'a montré par le jeu, par ses titres, mais aussi par son caractère, et je pense que c'est ce qu'on peut aborder maintenant, c'est la différence de caractère entre... Lindan et beaucoup de joueurs, énormément de joueurs de badminton finalement. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, j'aime bien le souvenir que t'as pris hors des terrains parce que je dirais pas qu'il est génial, mais il est intéressant parce que on sait que Lindan avait failli signer chez Adidas quelques années plus tôt, ça s'était pas fait, et là il signe chez Yonex. Je précise, on n'est pas sponsorisé ni par une marque ni par l'autre, mais chez peut-être la plus grosse marque iconique du monde du badminton. Et en Chine, c'est pas possible d'avoir un sponsor personnel hors équipe nationale, en fait. Et ça paraît fou ce qu'a fait Lindan. Et comme tu dis, Lindan, il est différent des autres Chinois. Et c'est ça aussi qui fait qu'on l'aime. C'est ça qui fait qu'il est aussi charismatique. C'est ça aussi qui fait que c'est... Ça rentre dans le débat de est-ce que Lindan est le plus grand. S'il était moins charismatique, moins expressif, moins extraverti, on jugerait peut-être Lindan différemment en fait. Mais le fait qu'il soit les tatouages, tout en fait, tout Lindan. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. Les tatouages, ça peut paraître un détail, mais je trouve ça extrêmement, extrêmement révélateur. Déjà, quand son allure physique, elle est bien différente des autres joueurs chinois, mais aussi asiatiques. Au sens large, et même dans le monde du badminton, des joueurs tatoués, par exemple, il n'y en a pas énormément. Et je trouve ça fou, son allure, son caractère sur le terrain, ça se voit qu'il est différent de... Voilà, on peut citer Chen Long, qui est très très différent. Et voilà, je pense que moi, c'est pas un avis très... je pense que c'est une vérité, c'est que c'est ce qui a fait la différence dans sa carrière, c'est cette volonté et ce caractère hors norme. Oui, c'est assez évident, même tu parles de Chen Long, mais on peut parler de son plus grand rival, Li Chongwei, qui, moi personnellement, j'admire Li Chongwei, mais en termes de charisme, ça n'a rien à voir. Li Chongwei, c'est un mec discret, c'est la force tranquille, c'est tellement l'inverse de ce qu'a amené Lindan au monde du bad. Lindan a amené des choses dans le monde du bad qu'on n'avait pas et que le continent asiatique n'avait pas. Ouais, je suis d'accord. Ce qui est, je trouve révélateur aussi, c'est l'annonce de sa retraite. Je l'ai vu dans pas mal de sites sportifs, même pas forcément sportifs français. Et c'est dingue de voir l'image et la célébrité qu'il a, je pense que beaucoup de Français ne peuvent pas citer le joueur de BAD, mais ceux qui peuvent en citer un, ce sera lui, parce que voilà, les titres olympiques, le caractère, les titres collectifs aussi, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il a amené, il a porté la Chine pour pas mal de Thomas Cup. Il en a gagné, je ne vais pas dire d'erreur, il en a gagné 5 ou 6. 6, ouais, je crois que c'est 6. Et il doit y avoir autant de Sudirman, ou 5 Sudirman, ou autant, je ne sais plus. Et c'est ça qui est impressionnant, et c'est ce que je trouve, Chen Long n'a pas toujours bien réussi à faire, reprendre le lead, on va dire, de l'équipe. Mais bref, c'est, voilà, c'est, en termes de titres, c'est tout simplement inégalé, et voilà, on voit que... on a beaucoup parlé de son caractère, on va parler un petit peu du jeu. Comment tu décrirais le jeu de Lindan? Qu'est-ce qui te frappe chez lui? Par exemple... On peut le comparer avec, je sais pas, on parle de Chen Long ou de Li Chongwei. Qu'est-ce qu'il a de plus finalement? Déjà, Chen Long, c'est totalement différent, parce que Chen Long est beaucoup plus grand. Chen Long a un jeu plus défensif. Oui, déjà, Lindan, contrairement à ses rivaux de l'époque, est gaucher, et c'est assez rare en simple. Aujourd'hui, on a Momota, mais Lindan a apporté. Un côté offensif que n'apporte pas Chen Long, parce que Chen Long, c'est quand même un joueur réputé pour sa défense impressionnante, mais pour sa défense surtout. Un peu moins maintenant, mais oui, je suis d'accord que, surtout il y a quelques années, Chen Long, c'était pas le joueur qui, on va le dire, hein, qui régalait quand tu le vois jouer, quoi. Alors que Lindan, c'est quand même autre chose, c'est beaucoup plus impressionnant. Ouais, c'est ça, et puis ce bras gauche, cette technique, même aujourd'hui, il courait beaucoup moins ces derniers mois, ces dernières années, mais il arrivait encore à battre des joueurs, parce que techniquement, il avait une patte gauche incroyable. Je suis bien d'accord avec toi. Moi, je pense que si je devais le comparer avec Li Chongwei, je dirais que Li Chongwei, il était plus rapide, et il avait un meilleur jeu de jambes, et parfois, ouais, un peu plus spectaculaire. Li Chongwei, des fois, c'était des feintes ou ce genre de choses. Mais Lindan, je trouve, c'est cette patte gauche qui est... incroyable, on a vraiment l'impression que des fois on avait vraiment l'impression qu'il jouait au ralenti, et que pourtant il arrivait à mettre le volant où il voulait. C'est des amortis vraiment incroyables, et je trouve que ce qui est impressionnant avec lui, c'est qu'on avait toujours l'impression que c'était lui qui dictait l'échange, quel que soit l'adversaire. On avait l'impression que c'est lui qui décidait où il mettait le volant et comment ça se passait. Bon, il gagnait pas forcément tout, on est d'accord, mais c'est cette force, on avait toujours l'impression que c'était lui le patron, et grâce pour moi en premier à sa technique incroyable, et aussi bon, il a un très gros match, ça c'est obligatoire même, mais voilà, je pense que c'est cette patte gauche, c'est ce dont je me souviendrai également. Ouais, tu me diras ce que t'en penses, mais La comparaison est peut-être pas évidente dans le jeu, mais aujourd'hui on a Momota qui est pas spécialement, il dégage pas une rapidité incroyable sur ses jambes, et pourtant il a peut-être le meilleur footwork, le meilleur jeu de jambes que le monde du bad ait vu. Et en fait, je trouve que ça ressemble assez à Lindan, parce que c'est pas ce qu'on décrirait en premier, par exemple par rapport à Li Chongwei qui allait très vite sur le court et c'était visible en fait. Mais ils ont, que ce soit Momota ou Lindan, ils ont des appuis impressionnants sur le terrain, et c'est pas ce qu'on remarque en premier, et pourtant c'est ce qui, je pense, a fait une grande partie de leur carrière, et ce qui a fait qu'ils ont été aussi bons. Je suis totalement d'accord, la comparaison, même si leur style de jeu est pas forcément comparable, mais sur ce point là c'est vrai que Momota, c'est la même chose. On n'a pas l'impression qu'il cavale beaucoup, même si on sait qu'il le fait. Les deux, c'est pas forcément des géants, mais pourtant ils ont une couverture du court qui est impressionnante, et ils sont très durs à dépasser en attaque, je trouve. Ils sont jamais loin du volant, et c'est ce qui fait effectivement que sur le long terme, on parlait de la victoire des mondiaux en 2013, Li Chongwei basait beaucoup son jeu sur le physique. Effectivement, quand le physique il lâche, c'est plus compliqué, alors que Lindan, il a ce truc de on a l'impression qu'il bouge moins, alors qu'en fait, il arrive à couvrir tout le terrain, quoi. C'est exactement ça, en fait. C'est aussi ce qui a fait que Lindan a pu durer aussi longtemps, même si aujourd'hui, c'était plus compliqué. On l'a encore vu sur certains tournois où il était capable de battre des top 20, des top 10. Et souvent, il s'en sortait bah, grâce à ça, même si on a l'impression qu'il marchait sur le terrain, il était encore capable de dépasser ses adversaires et de surtout pas être dépassé dans l'échange, même si c'était plus compliqué ces derniers mois, comme je viens de dire. Ouais, et même passé 30 ans, le nombre de matchs qu'il a gagné en 3-7, c'est impressionnant. Quand il gagnait, ces derniers temps, c'était pas des victoires expéditives, mais il arrivait à, voilà, souvent, c'était pas rare de le voir carrément lâcher un set quand ça devenait, quand l'écart devenait trop compliqué. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est ça qu'il a conservé si longtemps, parce que là, je rappelle qu'il a quand même 36 ans, il va avoir 37 en octobre, et il a encore réussi à gagner des matchs, même s'il était loin de son meilleur niveau. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la rivalité avec Lee Chong-wei? Parce que je sais qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais c'est ce qui viendra en tête de la plupart des gens quand on parlera de Lindan, ça c'est obligé. Je pense que c'est un peu, voilà, c'est un peu évident de dire ça, mais je pense qu'ils seraient pas, les deux auraient pas été si bons si l'autre avait pas été là pour les pousser plus haut. Et puis c'est les grandes rivalités du sport qui plaisent toujours aux spectateurs. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, je suis totalement d'accord avec toi. De toute façon, on sait que les grandes rivalités font les grands champions, donc forcément ça joue aussi dans la discussion qu'on va avoir sur est-ce que Lindan est le plus grand. Je pense que ça joue beaucoup. Lindan, son record de victoires consécutives, je ne sais pas si tu l'as vu, il a gagné 30 matchs d'affilée en 2006. Pour raconter un peu, du coup, il perd en finale du Malaysia Open contre Lee Chong-wei. Et ensuite, il enchaîne donc Chinese Taipei Open, Macao Open, Hong Kong, les championnats du monde de 2006, du coup, le Japan Open. Et il perd en finale des Jeux d'Asie contre Lee Yunil. Donc 30 victoires d'affilée. Et quand du coup 30 victoires dedans, il y a du Taofeek Hidayat, Peter Gadeux, enfin Lee Chong-wei, des grands noms quoi. Et donc je me suis demandé si Lee Chong-wei avait fait mieux, et je me suis renseigné un peu, et Lee Chong-wei n'a pas fait mieux, il a fait 29 victoires, donc une victoire de moins, en 2011, où il perd contre Lindan en finale de l'Open de Corée, et ensuite il enchaîne les victoires jusqu'au championnat du monde où il perd en finale contre Lindan. Donc je trouve ça assez symbolique de la carrière des deux, où Lee Chong-wei du coup était à une victoire d'égaler ce record de Lindan, mais c'est le Chinois qui a encore pris le dessus. 23-21 au dernier set des championnats du monde 2011. On n'a pas le temps de parler de tous les confrontations entre les deux, parce que sinon il y aurait beaucoup beaucoup beaucoup de choses à dire. Oui, c'est ça, mais on vous laisse aller sur la page Wikipédia de Lindan et ensuite glisser sur le YouTube et taper Lindan et championnat du monde. Je pense que vous avez de quoi faire pendant le reste de l'été. Ah oui, je suis bien d'accord avec toi. Il y a beaucoup de matchs vraiment mémorables, et même en Super Series d'ailleurs. On parlait de ces dernières années, on va passer vite fait. Pour toi, c'est quand la dernière fois que tu as vu un grand Lindan? Compliqué à dire. J'ai presque envie de te dire mon duo 2013 en finale. Bah, moi, j'ai envie de garder ce souvenir-là. J'ai envie de garder le souvenir d'un Lindan qui gagne. Parce qu'au JO 2016, ça m'a fait mal au cœur, en fait. Il n'avait pas le niveau pour aller chercher le titre, mais ça m'a fait mal au cœur de le voir au pied d'un podium olympique. Alors, c'est. Moi, le premier, je rêve d'être au pied d'un podium olympique, et beaucoup en rêvent, mais pour voir Lindan au pied d'un podium olympique, c'était trop dur. Alors, je sais pas ce que toi, tu vas nous dire pour ton dernier grand moment de Lindan, ou quand tu penses que le déclin a commencé, mais ouais, moi, c'est 2013, je pense. Pour moi, le déclin, il a effectivement commencé en 2013, mais je trouve qu'en 2016, c'est impressionnant ce qu'il fait au JO, parce que moi déjà, quand j'ai vu qu'il allait disputer les JO, ce qui était totalement logique, j'avais plus de crainte qu'autre chose. Je m'étais dit, j'ai pas envie de voir Lindan échouer en fait, parce que même si c'est pas mon joueur préféré, mais comme tout le monde, j'admire ce joueur, et la même chose que ce que tu as dit tout à l'heure, ça m'aurait fait mal de le voir échouer. Mais je trouve que ce qu'il fait, c'est limite déjà miraculeux, parce qu'en 2016, il était largement plus au top. Bon, faire demi-finale, ou bon, il arrive en demi-finale sans avoir effacé d'adversaire majeur, on va dire. Mais ce match contre Lee Chong-wei, où il finit par le perdre, où il n'est pas grand-chose de le gagner encore une fois, Bon, il est pas loin d'aller en finale et de faire une nouvelle médaille. Après, il perd contre Axelsen, qui était vraiment bon. Et Axelsen, qui d'ailleurs le prive d'un titre mondial l'année d'après, il me semble, en 2017. C'est ça, à Glasgow. Ce qui est quand même impressionnant. En fait, ce que je trouve impressionnant avec Lindan, c'est qu'effectivement, son meilleur niveau, c'était peut-être enfin, la dernière fois qu'il était à son top niveau, c'était peut-être en 2013. Mais depuis, il a quand même réussi à faire une quatrième place au JO et une finale de mondiaux. Et ça que je trouve fou, et que du coup, 2016, même si c'est pas son meilleur niveau, pour moi, ce sera mon dernier souvenir d'un Lindan à un très bon niveau. Et voilà. Oui, c'est vrai que c'est assez terrible ce que je dis quand je parle de déclin, alors qu'il fait encore une quatrième place olympique en 2016 et une médaille mondiale en 2017. Je pense que c'est le déclin rêvé de beaucoup de joueurs de bad ou de n'importe quel sport. Mais c'est vrai que bon, en 2017, cette médaille d'argent face à Axelsen, c'est aussi le symbole de Lindan n'arrivera plus à gagner un grand titre. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que c'était un peu maintenant ou jamais, finalement. On peut revenir rapidement sur son dernier titre en date, du coup, qui est le Malaysian Open de 2019, si je dis pas de bêtises. Où, finalement, il n'avait jamais gagné le Malaysian Open avant 2017. Et au final, il en gagne deux. Il en gagne deux sur ses dernières années de carrière, où en 2019, il bat Chen Long en finale. Et on se souvient, vous vous souvenez peut-être de cette image très symbolique de Li Chongwei qui arrive, qui vient lui donner sa médaille. C'est un peu une victoire en forme de chant du cygne, parce qu'on savait que c'était sûrement une de ses dernières victoires en tournoi. Et du coup, bah, ça a été la dernière. Il gagne une première fois, du coup, hein, je sais pas si t'as précisé, mais en 2017, c'est son premier Malaysia Open. Il le gagne face à Li Chongwei, donc encore une fois, une victoire pleine de symboles, comme il y en a eu beaucoup. Et du coup, 2019 contre Chen Long, toujours au Malaysia Open, son deuxième titre, donc en Malaisie. C'est le dernier de sa carrière, le 66e et le 66e titre sur le circuit, et le dernier. Donc, oui, avec Li Chongwei qui amène le trophée à son ami, parce que les deux sont amis et ils le cachent pas, et le message sur les réseaux sociaux de Li Chongwei, la réponse de Lindan, c'est presque une forme de clôture à tout ça, en fait, avant les annonces de fin de carrière. Ouais, je suis d'accord. Pour préciser, après, il fait une finale au Korea Masters en novembre 2019, du coup, qui perd face à Tsuneyama. Mais oui, je suis d'accord. Je suis d'accord que cette victoire, c'est un peu voilà, le générique de fin de Lindan en tant que joueur, parce que comme je disais tout à l'heure, il va encore avoir du poids dans le monde de badminton. Je pense qu'on aura l'occasion de le revoir une raquette à la main, peut-être lors d'événements Yonex ou autres. Mais j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Peut-être qu'il va pas du tout rester dans le badminton, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Et donc oui, voilà, je voulais revenir rapidement sur cette victoire du Malaysia Open, parce qu'elle a quand même un poids particulier dans la carrière de Lindan. Maintenant, la question à 1 million d'euros, est-ce que pour toi, Benoît, Lindan est le meilleur joueur de tous les temps au badminton ? Tu sais à quel point j'aime Li Chongwei, et Li Chongwei, pour moi, c'est un monument, mais je pense que la réponse, elle est évidente. C'est que oui, Lindan est le plus grand de tous les temps. Un, pour le palmarès. Deux, pour tout ce qu'il a amené au badminton, parce que faut pas oublier que le badminton, c'est pas encore un sport médiatisé à la hauteur du football, en tout cas en Europe, mais en Asie, Lindan, il est dans cette génération qui a amené la médiatisation du badminton aussi. Et sa rivalité avec Li Chongwei, son charisme, c'est pour moi tout ça fait de lui le meilleur joueur de tous les temps, même si c'est difficile évidemment de comparer avec des joueurs d'il y a 50 ans, parce que déjà nous générationnellement on les a très peu vus jouer, ou pas du tout même, et c'est toujours compliqué de comparer, parce que c'était un autre sport, enfin tout était tellement différent, mais en même temps... Lindan, le palmarès, voilà, je le répète, mais fait que il est aujourd'hui indétrônable. Alors, on est dans une période Kento Momota. Est-ce qu'il fera mieux? On n'en sait rien aujourd'hui. Mais aujourd'hui, oui, Lindan, pour moi, je sais pas ce que toi tu en penses, mais pour moi, oui, il n'y a même pas débat. C'est vrai que tu as raison, pour moi, il n'y a même pas débat et du coup, je vais rien ajouter. Je pense que tu as très bien, tu as très bien dit ce qu'il fallait, ce qui était important sur le terrain et en dehors. Il a montré que c'était lui le meilleur de tous les temps. Et rien qu'avec son palmarès, est-ce que Momota l'égalera ou un autre? Momota, je ne pense pas. Voilà, je me mouille un petit peu, un autre sûrement, peut-être plus tard. Mais voilà, du coup, au lieu de répéter à quel point c'est le meilleur, parce que je suis totalement d'accord avec toi, je vais plutôt te poser une autre question. Comment va se passer sa succession? Parce que Chenlong, il est souvent resté dans l'ombre de Lindan, mais mine de rien, Chenlong, il a 31 ans, donc il est beaucoup plus près de la fin que du début. Shiyuki, on en parlait un peu pour préparer ce podcast, espoir sur laquelle la CBA a mis beaucoup voilà, a mis tous ses espoirs, mais maintenant il est blessé et est-ce qu'il va revenir à son top niveau? Comment va se passer sa succession selon toi? Ah, la belle question piège, tu me la poses enfin. Aujourd'hui, je pense que la Chine aussi se pose la même question. Ils ont beaucoup misé sur Xi Yuxi, et comme tu disais, on en parlait en préparant le podcast, mais quand la Chine fait perdre dans un même tournoi Chenlong et Lindan pour un de ses joueurs, quand je dis fait perdre, c'est bien sûr à mettre entre guillemets, mais on sait que la Chine, dans l'histoire, a eu tendance à faciliter certaines victoires dans des affrontements sino-chinois, et ça a été le cas pour Xi Yuxi et face à deux légendes que sont Chenlong et Lindan. Donc ça montre à quel point la Chine avait misé sur lui et a bien fait, puisqu'il y a une médaille quand même d'argent sur des mondiaux. Maintenant, la blessure et le retour difficile, voire plus que difficile, fait qu'on peut légitimement se poser des questions. Chenlong, oui, tu l'as dit, il a un palmarès incroyable, il est champion olympique en titre. Il a deux titres mondiaux, si je ne m'abuse. Ce qui fait de lui, enfin, c'est pas loin d'être inégalable aussi, mais il est plus près de la fin que du début, tu l'as dit. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui arrive en Chine pour regarder et suivre le bas dans l'année. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à te dire si la Chine va réussir à trouver un successeur et déjà un joueur potentiel. Médaille olympique hors Xi Yuxi qui retrouverait son meilleur niveau évidemment. Alors je sais pas si toi t'as décelé ça chez un jeune ou si tu penses que Xi Yuxi va être capable de revenir, mais oui, aujourd'hui je pense que c'est un débat qu'on a à nous mais que la Chine doit avoir en interne. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, pour moi, on va pas rentrer là-dedans parce que c'est pas le sujet. Ça pourrait être le sujet d'un autre podcast, pourquoi pas. Mais c'est que la Chine, sur tous les tableaux, finalement, c'est un peu la fin d'une ère. On va dire que Lindan, quand il était au top, la Chine était au top dans tous les tableaux. Et quasiment, on va dire, maintenant c'est beaucoup moins le cas. Alors, tu dois les connaître mieux que moi. Moi, dans les jeunes chinois, je vois pas un successeur de Lindan, mais en même temps, est-ce qu'il y en aura un jour? C'est ça la vraie question. La Malaisie se pose la même question. Ils ont des très bons joueurs, mais aucun qui pour l'instant va prendre le relais de Li Chongwei. Donc, non, non, je pense que il faudra du temps avant que la Chine ou un autre pays nous sorte un joueur de son importance et de son talent. Mais voilà, en plus là, il y a quand même une ère Momota, voire Axelsen qui s'annonce, donc ça va être très dur pour la Chine de gagner des titres. Je pense que Shiyuki reste le meilleur espoir dans les années à venir, et à très court terme, Chenlong, pourquoi pas. Puisque Chenlong, s'il gagne l'or à Tokyo, il aura autant de médailles olympiques que Lindan, donc même plus du coup. Donc voilà. Quelque chose à ajouter sur Lindan? Je pense que là, on a bien fait le tour de sa carrière, de pourquoi il est vraiment trop, trop, trop fort. Non, je pense qu'on a fait le tour de la légende qu'il est et on a, bon, même s'il faudrait des heures pour parler de toute sa carrière, on a, je pense, fait un bon tour de ce qu'il y avait à dire sur lui. Voilà. Bon, en tout cas, on a fait de notre mieux. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci Benoît d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi, Ewan, et merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous aura plu. Moi aussi. Puis du coup, on se donne rendez-vous pour un prochain épisode sur un autre sujet. Salut. Salut! 前方我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头，我们的梦握在手中，绝不等候。你是否在经历这平凡